Thank you. Complètement mieux ce que vous faites. Ça chine. Oh, c'est l'Ovalie, là. On n'est pas là pour... Hein ? On n'est pas là pour branler les mouches, là. Allez, on y va. On attaque. Ouais, t'es quoi, Sébastien, toi, hein ? Bonsoir. Un deux. Thank you. Vas-y Manu, balance ton truc. Ouais. J'ai encore rêvé d'elle. Yeah. Allez chez moi. c'était calé chez moi.